Donc, écoutons, ça vient d'un imam. Il y a deux extraits en anglais. Celui-là est en français. C'est un imam, j'imagine, en France, qui explique la position. En fait, l'extrait est assez long, là, 1 minute et demie. Je vais le mettre en mode qu'on puisse l'arrêter, Dom, si tu veux commenter. Le gars nous explique quelles sont les grandes positions de la religion musulmane sur le fait qu'on peut voir ou pas voir la femme en public. On écoute. Okay. Quelle est la position de l'islam à propos du corps de la femme? Quelles sont les limites des parties intimes de la femme qu'elle doit cacher ou couvrir devant les hommes étrangers? La réponse, il y a un désaccord entre les quatre écoles ou bien entre les savants en islam. Les malikites et les hanafites disent que... Les savants, non, c'est parce que tu m'as fait la remarque ce matin, oui. Puis moi aussi je m'étais fait la remarque. Les savants, c'est pour moi... C'est pas la première fois que je l'entends non plus, c'est comme leur grand sage, mais ils appellent les savants de l'islam. Dans ma tête, moi, savant, c'est un gars qui a un microscope et qui découvre des bactéries, là. Ben, c'est moi, tu vois, j'avais le même commentaire. Moi, c'est quelqu'un qui trouve des remèdes contre le cancer, un savant. Là. Ou un prof scientifique, là, tu sais, ou quelqu'un qui... Moi, savant... Déjà, moi, le savant et religion, ça marche ça pas. Ça va pas ensemble, ben non. Ça marche pas. La religion, ça reste... Ça reste une espèce c'est des croyances, de supposition, c'est ça, la foi. Là. Exact. La foi en l'invisible. Donc, les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Le corps de la femme dans sa totalité représente une partie intime, c'est-à-dire à ne pas montrer, à part le visage et les deux mains. C'est-à-dire, selon les malikites et les hanafites, la femme peut sortir à l'extérieur, à la rue, en cachant la totalité de son corps et en laissant apparent le visage et les deux mains. Ils ont posé une condition que le visage de la femme ne doit porter aucune sorte de maquillage. Le visage doit être naturel. Mais en ce qui concerne le maquillage, la femme peut le porter ou peut le faire chez elle uniquement pour son mari. Donc du rouge à lèvres, mascara ou juste dans le salon? Juste chez vous. Ça ne sera pas plaire à ton mari, sinon c'est la tentation, c'est le démon. Si mon oncle chose arrive, cours à la salle de bain. Ou va te masquer. Ou plus vite. Ouais, ou va mettre ton... Ouais, ça va être moins long. Effectivement. Moins long, hein. Donc là, déjà en partant, tu sais, selon les principes, puis ça en passant, il dit qu'il y a 4 écoles. Il y en a 2 qui préconisent ça. Et les 2 autres, on va le voir plus tard, c'est pire, OK? Donc déjà en partant, je pense qu'il y a une bonne proportion de musulmanes québécoises qui sont déjà dans le champ, là. C'est-à-dire qu'ils suivent déjà pas le règlement, parce que entre autres celle qui était venue à Tout le monde en parle, ben ça je m'en allais dire, elle était maquillée bord à bord, plus maquillée que Joe Bocan, et j'ai rien contre ça, là, comprenez bien ce que je veux dire, elle était belle, c'est juste qu'elle suit pas femme. Le donc là en partant elle est pas dans la bonne ligne, là. Je sais pas, non, à moins qu'il y ait d'autres écoles que j'ai pas compris, on l'a trouvé belle, oh, c'est la tentation, c'est ça. Mais elle était voilée, par exemple, elle était voilée mais avait même un petit piercing dans le nez. Ouais, mais là jusqu'à quel point t'es... Je sais plus, là. T'es pas connecté, sa bonne. Rendu là, c'est pas connecté. Je veux dire, tu peux enlever ton voile. Tu comprends? Moi, c'est là où je me dis, ben oui. Là, je sais plus, là. C'est quoi la vraie affaire? Là, lui, nous l'explique comme ça. Encore là, lui, c'est qui? Je sais pas. Ben, lui, c'est un imam, mais il explique plus tard dans l'extrait, là, on y arrive, là. La philosophie derrière le niqab. Pourquoi on demande aux femmes de porter le niqab et pourquoi les femmes décident de porter le niqab? Chafirites, les Hanbalites disent que le corps de la femme dans sa totalité est une partie intime, c'est-à-dire à ne pas montrer dans sa totalité. Ceci signifie que la femme, pour eux, doit, avant de sortir, cacher ou couvrir tout son corps, même le visage, et ça veut dire qu'elle doit porter le niqab ou bien la burqa. C'est assez ça, là. C'est extrême. Et il n'y a pas d'autre... j'ai écouté plus que ça, là, mais il n'y a pas d'autre avenue possible. Non. Tu sais, il y a 4 écoles. De ce que lui dit, moi, je suis pas un spécialiste de la religion musulmane, là. De ce que lui m'apprend, là, c'est soit tu laisses juste ton visage et tes mains sans maquillage, ou soit tu te caches au complet, tu cours pas après le trouble. Avec la burqa, c'est-à-dire le grillage... Ou le niqab. Tel que porté de manière élégante par Richard Martineau vendredi. Oui, oui. J'ai demandé du miel. J'ai demandé de m'amener du miel. Il y a un misasso d'apiculteur. Il m'en a pas amené encore. Non. En tout cas, je l'attends. Moi, c'est okay. Du miel grade 2, là. Grade A. Au bleuet. Donc, là, je l'attends toujours. Puis l'autre, c'est le niqab. Donc, juste les yeux. La ligne. Avec un petit fil noir entre les deux yeux, là. Ouais, parce que d'un coup, ça te descendra en dessous du nez, cette patente-là. C'est spécial. Au Québec, et moi, je vous le dis, je suis contre la charte à certains niveaux. Je trouve que ça vise pas la bonne cible. Ça vise les personnes qui ne sont pas en contact avec la clientèle, mais plus que ça, ça attaque le mauvais problème. T'sais, on vise, c'est comme si on allait dans un champ de tir, mais avec la mitraillette, au lieu de viser la cible, on vise partout, dans la forêt, le bois, les chars, dans le parking. Alors que la menace, c'est l'islam radical. T'sais, c'est ça, c'est l'islam radical via l'immigration. Et via les mosquées qui ne sont pas assez surveillées, c'est tout. Et là, ça déborde d'une garderie. Même si c'est une garderie privée, en ce qui me concerne, ça devrait pas y être. Pourquoi? Parce que c'est de l'endoctrinement d'enfants. Les enfants comprennent, en bas âge, ils assimilent le fait qu'une femme, quand elle sort, elle s'habille au complet. Mais encore là, ça reste toujours la décision. Tu sais, c'est une garderie non subventionnée, privée. Non, je comprends. Puis il y a des Québécoises qui vont là de plein gré. Ouais. C'est la DPJ qui... Porter leurs enfants. Moi, c'est sur la suprématie de la DPJ. Moi, c'est le bien de l'enfant, là. Au-delà de ça. Je comprends ton point. Ouais. C'est non subventionné. Ouais, mais ils sont pour pas le battus, bien-être ils sont de l'enfant. Tu comprends, ils sont endoctrinés, par exemple. Comme dans une secte. Ben, elle a dit que non. Elle dit, on fait pas d'activité sur les musulmans, puis on fait pas, juste le fait de s'habiller au complet avant de sortir dehors. Je sais, je comprends. Mais ça, je suis d'accord, tu sais. Puis encore là, moi, ce qu'on vient d'entendre, je trouve ça complètement débile. Puis je dénoncerai toujours ça. Ben oui. Mais j'ai toujours, encore une fois, une espèce de retenue par rapport aux décisions du monde. Si quelqu'un trouve que ça donne bien du bon sens, ce qu'il vient de dire le monsieur, puis qu'il ça donne rien d'argumenter, sont dans le domaine surnaturel. Ces gens-là croient ça dur comme fer. Je vais rire à gorge déployée, là. Mais, qu'est-ce que tu veux que je fasse, honnêtement? Je batte une femme parce qu'elle a mis un voile? Tu sais, c'est rendu là. Faut-tu que je donne une étiquette? Je sais pas, ouais, c'est... Ils l'enlèveront pas de par la charte et le règlement. Mais... Parce que ça laisse supposer que Drainville, ce qu'il dit, c'est en milieu de travail, t'arrives, ils vont l'enlever. Ça arrivera pas. Donc, ça va en enfer, Doom. Donc, ils vont être écartés, ils vont rester à la maison. Ça va les radicaliser plus qu'autre chose. Ça mène à rien. Ce n'est pas une arme pour contrer le radicalisme musulman. C'est pas une arme. C'est même pas un tire-poids. Les autres extraits, ça concerne Noël. Et là, c'est pour vous démontrer. Et là, je le sais, il y a certaines personnes qui vont peut-être nous écrire pour dire « Ouais, mais mon chum et chauffeur de taxi vient du Maroc, fête Noël. » Bravo, là. Mais la ligne de pensée en islam radical, c'est que non seulement on fête pas Noël, même si tout le monde est en congé à Noël, les autres profitent d'un congé pareil. Mais ils fêtent pas. Ça, c'est correct. C'est sûr qu'il y a des chrétiens qui fêtent pas non plus Noël. T'as le droit de pas fêter Noël. Tout à fait. Mais de souhaiter simplement joyeux Noël, ça t'amène en enfer. C'est carrément ce qu'il dit. Un péché capital. Pire que la fornication. Puis là, c'est en anglais, là, OK? Les deux extraits qui suivent sont en anglais, mais vite. Mais sont faciles à comprendre. C'est facile à comprendre. Ouais, c'est ça. On l'écoute-tu? Oui. Okay. No. We discussed this before, Achie. In the lecture, Can I Celebrate This? Which the sister mentioned. I dealt with all these issues. You cannot say Merry Christmas. Not even if an alien came. And he told you, you cannot even say to him. And say, he's just an alien. I'm never going to see him again. He's not going to tell anyone. No Merry Christmas, not from a Muslim, not from a non-Muslim. It's not part of our deen, period. It's the concept that God was born on the 25th of December. That's as shirk and kufr as you can get. And you saying Merry Christmas, saying congratulations on your false religion, congratulations on your false understanding of life, you are congratulating them on the most evil of shirk and kufr. And as Ibn Qayyim said, this is worse than fornication and drinking alcohol and killing someone. Because you're approving of the biggest crime ever committed by the children of Adam, shirk. And you're saying to someone, no problem, Merry Christmas to you. That's what you're saying. So that, and he said he's more knowledgeable than you. MashaAllah, tabarakallah. La différence majeure avec cette religion-là, par rapport aux autres, je pense, là, c'est que... Puis encore là, je sais qu'il y a des musulmans... qui vont être fâchés puis qui vont dire hey, moi j'applique pas ça de même puis j'ai souhaité joyeux Noël à tout le monde puis mais c'est qu'à la base en haut là tu sais les grands prêtres les imams c'est pas une religion d'ouverture tu sais le catholicisme que j'appuie pas plus là puis tu sais la religion le Rome là rempli de doreux puis d'or partout puis qui prône la pauvreté puis la chasteté je trouve pas ça plus intelligent mais ça reste que c'est une religion où on dit aimez-vous le pardon la tolérance puis demande pas l'anéantissement des musulmans là.